Covid-19, le Danemark stoppe la vaccination des moins de 50 ans. En Europe, le Danemark est le pionnier d'une nouvelle politique Covid. Dès le début du mois d'août, le gouvernement a cessé de vacciner les enfants et les adolescents contre le Covid. Aujourd'hui, les autorités sanitaires danoises ont décidé de ne plus proposer le vaccin aux personnes de moins de 50 ans. Seuls les employés dans le secteur de la santé et les personnes présentant un risque accru de tomber gravement malade du Covid-19 peuvent se faire vacciner. Les personnes âgées de plus de 50 ans peuvent également se faire vacciner. Et ce, bien que le gouvernement danois s'attende à ce que de nombreuses personnes soient à nouveau infectées par le Covid-19 au cours de l'automne et de l'hiver prochain. La raison de cette décision se trouve peut-être dans le fait que les Danois ont collecté de manière intensive des données sur le Covid et l'effet des vaccins. Il s'est ainsi avéré que les vaccins, y compris les rappels, présentaient un effet négatif important par rapport à l'Omicron et que celui-ci continuait d'avoir une évolution bénigne par rapport aux variants précédents. Il est donc évident que le risque n'est pas proportionnel aux avantages de la vaccination. Cette approche fait école. Ainsi, la Grande-Bretagne vient même d'interdire la vaccination pour tous en dessous de 12 ans et il est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes de se faire vacciner. On pourrait penser que c'est le rôle des médias d'informer la population de ces développements novateurs dans d'autres pays, mais c'est loin d'être le cas. Le portail d'information en ligne, le Münchner Mercure, a titré qu'en automne, il y aurait au Danemark une quatrième vaccination Covid pour les plus de 50 ans. Le changement d'attitude du gouvernement danois et les nouveautés législatives en Grande-Bretagne ne sont nullement mentionnées. La question ne se pose-t-elle pas de savoir pourquoi ces informations si décisives pour la santé et la vie sont cachées aux lecteurs de Mercure ?